Chapitre 4. La maison d'Incitatus. Deux centuries des cohortes prétoriennes, avec un corps de musiciens et un char attelé de 4 chevaux blancs, attendaient l'empereur aux portes du palais. Il s'assit seul dans le quadrige. Alors le cortège, précédé des licteurs et grossi d'une multitude oisifs, sortit par la voie neuve en longeant la colonnade dorique du temple de Quirinus et celui de Jupiter vengeur, traversa le forum et s'engagea dans la voie large. Là, il rencontra une troupe de jeunes gens à cheval couronnés de fleurs et de branches d'olivier et revêtus de trabés pourpres et écarlates. Ils étaient précédés de la statue de Jupiter et se rendaient du temple de l'honneur au Capitole pour célébrer le jour d'Hésiode. Il était d'usage qu'on entourât de marques de respect ces pieuses théories, mais Caligula en jugea autrement. Il donna l'ordre aux licteurs et aux prétoriens de faire mettre pied à terre aux cavaliers afin qu'ils se prosternassent et qui put ainsi recevoir une partie des honneurs dus en ce jour à Jupiter capitolin. Après avoir joui de ce facile triomphe, il dépassa le gracieux temple d'Isis, et son char s'arrêta à l'entrée de la voie Flamine, non loin du champ de Mars et du mausolée d'Auguste. C'est là que Labéo, l'élève de Vitruve, avait établi la demeure d'Incitatus. Cette maison avait appartenu jadis au patricien Balinius Bassus, ancien questeur dépouillé par Caligula, sous le prétexte le plus futile, et auquel le tyran fit ensuite trancher la tête au flambeau en se promenant dans ses jardins. L'habitation si odieusement acquise avait été construite avec toute la recherche qui distinguait alors la demeure des opulents personnages, et elle subit, pour l'usage d'Incitatus, de rapides transformations. La volonté de l'empereur était qu'elle renfermât un grand nombre d'esclaves, et qu'un animal aussi cher à son cœur pût offrir à ses visiteurs une somptueuse hospitalité. Comme presque toutes les constructions romaines, la maison était carrée et à 2 étages, sans y comprendre l'entresol. La façade de marbre luculien, décorée d'un péristyle à colonnes, se développait avec élégance sur la voie Flamine, tandis que le derrière de l'édifice était entouré de jardins contigus au bois sacré de Lucine, en sorte que l'haleine des zéphyrs amenait sans cesse dans l'intérieur la douce senteur des bosquets. 2 chevaux de bronze, et qui semblaient se révolter contre le frein qu'un esclave leur imposait, servaient d'ornement à l'entrée principale. En pénétrant sous la voûte ciselée, qui résonnait des aboiements d'un molosse dépiré, on trouvait 2 longues galeries. Celle de droite servait aux gardes. Dans celle de gauche, destinée aux visiteurs, le pinceau d'un savant artiste avait retracé sur les murailles divers épisodes choisis dans l'histoire des chevaux les plus renommés de l'Antiquité. Parmi ces fresques, qui existait encore au temps d'Aurélien, on remarquait l'origine du cheval emprunté par Neptune aux entrailles de la terre, son éducation par l'habile Castor, Jupiter faisant don atroce de 2 magnifiques coursiers qui engendrèrent en Asie une race généreuse, Pégase, ravi par Bellérophon au sommet du Pinde et Balius exempte entraînant le char d'Achille à travers la mêlée furieuse. L'œil retrouvait aussi Chiron dans les grands bois de la Thessalie, les rapides centaures poursuivis par le peuple cavalier des Lapithes, Érichthon inaugurant le quadrige dans la lice olympique, Bucéphale enfin sauvant les jours d'Alexandre. Au sortir de la voûte, on entrait dans l'atrium, au centre duquel on avait creusé une piscine revêtue de marbre blanc, alimentée par une source d'eau vive. Elle était entourée de fleurs et d'arbustes rares et servait à l'abreuvoir et au bain d'Incitatus. La face à l'intérieur, d'un aspect sévère, faisait habilement ressortir la beauté des 2 ailes latérales, décorées chacune de 2 rangs de colonnes en marbre de Luna et d'un seul bloc. Le 1er rang en style dorien et le 2nd en style ionien soutenaient les portiques de l'atrium. En avant de chaque colonne s'élevait une statue et des caisses de fleurs ombrageaient les entrecolonnements. Au fond de l'édifice et sous chaque portique s'ouvrait à jour une vaste porte circulaire d'où l'œil se reposait sur la verdure des jardins et sur les oléandres et les chênes séculaires du bois sacré. Le 4e côté de la maison, entre la cour de l'atrium et le parc enclavé dans le bois, avait autrefois été séparé en 3 pièces qui renfermaient les archives et les portraits de l'illustre famille des Bassus. C'est là que l'Abéo construisit l'écurie d'été exposée au Septentrion, car Incitatus possédait une demeure pour chaque saison. Celle d'hiver à l'Occident, celle d'automne et du printemps à l'Orient, était située dans des cours latérales, au milieu de vastes dépendances et toutes meublées avec la même somptuosité. La première s'appelait l'écurie d'Apollon, les autres étaient celles de Castor, de Mars et de Pollux. Le reste de la maison avait été peu modifié. Les triclinia, ou salles des festins, occupaient les ailes de l'atrium, et comme les écuries, elles étaient multipliées suivant les saisons de l'année. La magnificence des salles de bain et des appartements ne le cédait en rien au luxe de l'extérieur. Ce n'était qu'or, albâtre et mosaïque aux mille couleurs. La franchise chargée du mobilier y avait prodigué les tables en citre de Mauritanie, les vases de Corinthe chargés de fleurs sans cesse renaissantes, les coussins en duvet de cygne recouverts de soie, et il avait tourné chaque lit des triclinias de housse de Babylone qui représentaient des châsses avec tout leur appareil. Enfin, les jours de réception, on étalait le même luxe qu'à la table de l'empereur et les abacs étaient chargés de vaisselle d'or et d'argent enrichis de pierres précieuses et portant, en caractère gravé, le nom d'Incitatus, le maître de la maison. Si, de la cour de l'atrium, on se transportait dans les jardins, l'œil n'était pas moins séduit par les charmes de cette voluptueuse retraite. L'art du dessinateur y brillait encore plus que celui du jardinier, et les sculpteurs en buisson, fort à la mode à Rome, avaient taillé dans le bois, la berbanche et les cyprès, une flotte complète, une chasse, et d'autres dessins non moins capricieux. Les statues conquises ou ravies dans les provinces étrangères, les corbeilles de roses de Prénestre ou de Violette, de Thuséolum. Les sièges de gazon entourés d'un moelleux tapis de feuilles d'acanthe abondaient le long des allées sinueuses. L'air y était habilement rafraîchi par une eau qui jaillissait en gerbes, retombait en cascade ou s'échappait en filets argentés de la conque des tritons d'airain. Des priapes tutélaires armés de faux et couronnés de roses de Postum avaient la garde de ces lieux enchanteurs. Deux hippodromes bornaient les jardins à droite et à gauche. Celui de droite, couvert et poudré de sable fin, abritait les promenades d'Incitatus contre les inclémences de la température. Celui de gauche, à jour et plus vaste, avait la forme d'un cirque. Des platanes revêtus d'un lierre vagabond dessinaient son enceinte, et leurs intervalles étaient remplis par des buis et des lauriers aux touffes épaisses, parsemées de milliers de fleurs. Par un beau ciel, Incitatus y prenait en liberté, sur la pelouse toujours verte, les plus folâtres ébats.